La discussion. Le laquais entra précipitamment en disant « Monsieur le duc !» Julien leva les yeux et les baissa aussitôt. Ce duc était un homme de 50 ans, mis comme un dandy et marchant par ressort. Il avait la tête étroite, avec un grand nez et un visage busqué et tout en avant. Il eût été difficile d'avoir l'air plus noble et plus insignifiant. Son arrivée détermina l'ouverture de la séance. Julien fut vivement interrompu dans ses observations physiognomoniques par la voix de M. de La Mole. « Je vous présente M. l'abbé Sorel, » disait le marquis. « Il est doué d'une mémoire étonnante. Afin de donner une preuve, il a appris par cœur la première page de la quotidienne. « Ah ! Les nouvelles étrangères de ce pauvre Napoléon !» dit le maître de la maison. Il prit le journal avec empressement et, regardant Julien d'un air plaisant, à force de chercher à être important, « Parlez, monsieur !» lui dit-il. Le silence était profond, tous les yeux fixés sur Julien. Il récita si bien qu'au bout de 20 lignes, « Il suffit !» dit le duc. Le petit homme au regard de sanglier s'assit. Il était le président. Il montra à Julien une table de jeu et lui fit signe de l'apporter auprès de lui. Julien s'y établit avec ce qu'il faut pour écrire. « Me voici fourré dans une conspiration tout au moins, » pensa celui-ci. « Quand il y aurait du danger, je dois cela et plus encore au marquis. Heureux s'il m'était donné de réparer tout le chagrin que mes folies peuvent lui causer un jour. » Tout en pensant à ses folies et à son malheur, il regardait les lieux de façon à ne jamais les oublier. Monsieur de La Mole prit la parole. « Il faut enfin qu'il y ait en France 2 partis, mais 2 partis bien nettes. Sachons qui il faut écraser. D'un côté, les journalistes, les électeurs, la jeunesse. Pendant qu'elle s'étourdit du bruit de ses vaines paroles, nous avons l'avantage certain de consommer le budget. Eh bien, que chacun de nous sacrifie le 1/5 de son revenu pour former une petite troupe dévouée de 500 hommes par département. Alors, vous pourrez compter sur une occupation étrangère. Jamais le soldat étranger ne pénétrera jusqu'à Dijon seulement s'il n'est sûr de trouver 500 soldats amis dans chaque département. Ce service est pénible, direz-vous. Messieurs, notre tête est à ce prix. Entre la liberté de la presse et notre existence comme gentilshommes, il y a guerre à mort. Soyez timides si vous voulez, mais ne soyez pas stupides. Ouvrez les yeux. Formez vos bataillons, vous dirai-je avec la chanson des Jacobins. Voulez-vous continuer à parler sans agir? Dans 50 ans, il n'y aura plus en Europe que des présidents de République et pas un roi. »